Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du RPG A Day 2017. La question qui nous occupe aujourd'hui est la suivante. Quel film ou série est la plus grande source de citations pour votre groupe? Alors je vais être assez embêté par cette question parce qu'en fait, ça fait 5 ans déjà que je ne vais plus au cinéma. Je reconnais depuis quelque temps même ne plus regarder de séries télé, etc. Et donc c'est vrai que dans tout ce qui est moderne, on va dire que les références communes avec mon groupe s'amoindrissent. C'est un choix, notamment parce que ça me permet de passer plus de temps à lire des romans, notamment. Mais également, bien sûr, du jeu de rôle et d'avoir d'autres activités à côté. Alors bien sûr, on partage quand même une culture commune de base. Et puis, même si on ne va pas voir ces films ou ces séries, le net nous abreuve tellement d'informations que, en gros, on sait à peu près les mêmes choses que ceux qui regardent les films et les séries. Donc, c'est pas un grand manque. Non, ce qui m'embête aussi avec cette question, c'est le fait que le groupe de joueurs à la table cite finalement des sources communes au cours de partie. Non pas que ça me dérange franchement, mais avoir la plus grande source, ça voudrait vraiment dire qu'en fait on joue exclusivement au même jeu ou au même type de jeu. Et avec ma table, on n'a pas cette pratique. De ce fait, multipliant les tests de jeu dans des univers, des ambiances, des genres différents, finalement, les inspirations sont différentes à chaque fois. Alors, effectivement, on a une campagne D&D 5, où régulièrement est cité le Seigneur des Anneaux, du fait notamment que j'interprète un elfe à l'arc. Mais, mis à part ça, je reconnais que, à chaque partie, finalement, on apporte nos propres références. Et donc, quand on a joué à Apocalypse World, la référence du moment était forcément le dernier Mad Max. Et, par exemple, lorsqu'on a joué à Prosopopée de Frédéric Saint-Hesse, nos références communes étaient Miyazaki. Et donc, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément un film ou une série que l'on va citer tout le temps. Par contre, on va apporter nos films et nos séries à chaque partie en fonction du jeu de rôle qu'on va interpréter, que l'on va jouer, et avec lequel on va s'amuser. Donc, c'est un peu une non-réponse, je suis désolé, mais on n'a pas un film ou une série qui ressort dans le lot, mais par contre, voilà, à chaque partie, on va apporter son lot et sa base commune, et ça va varier en fonction des univers. Mais peut-être qu'on est un peu particulier, je ne sais pas. À vous de me le dire. Est-ce que vous avez une série ou un film que votre groupe cite tout le temps? Moi je suis curieux de savoir. Demain je devrais être un peu plus prolixe, j'espère. Et puis d'ici là, jouez bien.